On va directement entrer dans l'autre sujet, alors qu'on va recevoir Taifour Smaïn. Avant de parler du Soudan, Taifour, un mot sur cette coopération entre le Burkina Faso et la Corée du Nord, ces pays africains, notamment du Sahel, qui ont décidé de diversifier leurs alliances. C'était la Russie, la Turquie, la Chine, et voilà le Burkina Faso aujourd'hui qui a décidé de reprendre ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Écoutez, ça rentre dans le jeu justement d'influence qui est en train de se jouer. Pardon, bonsoir avant tout, excusez-moi, je suis rentré directement dans le vif du sujet. Merci de m'inviter et bonsoir à vos téléspectateurs ainsi qu'à mes collègues. Donc, pour revenir donc à votre question, il est vrai que ça fait partie du jeu donc d'influence qui est en train d'être opéré un peu partout dans le monde. Donc, chacun est en train de choisir son camp. Donc le Burkina Faso rejoint dans une certaine mesure donc le Mali qui avait donc reçu ce qu'on appelle du matériel militaire de la Chine. C'est pratiquement dans la même démarche, donc plutôt la même optique que le Burkina agit, parce que le Mali comme le Burkina, ces deux pays sont victimes d'un terrorisme endémique qui, ma foi, il faudrait donc régler dans les meilleurs des délais. Et je pense que toutes ces alliances entrées dans ce cadre-là. Il y a aussi cette façon aussi de se démarquer de la France, c'est-à-dire que maintenant nous sommes libres et nous sommes donc maintenant quasiment affranchis de la tutelle quasiment donc occidentale notamment, essentiellement française. Et on voit bien que le Burkina aujourd'hui se démarque par rapport justement à ses anciens associés, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Taifour Smaïn, alors que certains auditeurs voulaient donner certainement le dernier point de vue concernant ce sujet. On va directement entrer dans le deuxième sujet du jour concernant la guerre au Soudan, la guerre qui bat donc son plein depuis l'éclatement du conflit entre les deux généraux le 15 avril dernier. Et depuis trois semaines, les combats font rage et prennent en otage les millions d'habitants pris donc entre deux feux. On va dire aussi que la situation humanitaire est catastrophique. On revient vers vous, Linda Larbaoui. Plus de 500 morts et plus également de 70 000 déplacés. La guerre qui, finalement, on va dire, Linda Larbaoui, s'enlise. Ben écoutez, je m'y attendais un peu et depuis cette opération spéciale, je n'ai pas arrêté de dire que le véritable combat, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'Afrique. L'Occident sans l'Afrique n'existe pas, n'existe plus. Sans les richesses de l'Afrique, ben c'est la récession a déjà commencé. On voit bien l'état de la France aujourd'hui qui est en chute libre parce que la France a perdu, je dirais même 80% de son influence en Afrique. Là, j'ai parlé tout à l'heure de la sixième base américaine au Niger et j'ai pas arrêté de dire depuis que j'interviens avec Afrique Média que c'est les États-Unis qui ont pris le dessus. Donc aujourd'hui, nous sommes à la sixième base américaine et contre quatre françaises et les militaires français ont baissé énormément. C'est plus des forces otaniennes qui sont là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Soudan ? Il se passe que c'est l'hégémonie américaine qui en chute aussi en mer Rouge, puisque le Soudan, c'est le principal pays qui a le plus long rivage de la mer Rouge, plus de 800 kilomètres. En face, nous avons l'Arabie Saoudite qui est sortie du giron américain et qui a rejoint la Russie et la Chine. Il y a des accords très, très sérieux entre la Chine, la Russie l'Arabie Saoudite. Il y a l'alliance maintenant de l'Arabie Saoudite avec l'Iran, donc la réconciliation du monde chiite et sunnite qui calme le jeu dans la péninsule arabique et au Moyen-Orient. Il y a tout ça qui joue un rôle très très important. Parce que les Américains, c'est des fabricants de conflits et c'est des vendeurs de guerre aussi. Donc, au Moyen-Orient et péninsule arabique, ils vendaient plus de 65% de leurs armes et de leurs munitions. Et j'avais dit lors de mes interventions que il faut faire très attention en Afrique parce que les Américains vont chercher un autre marché. L'autre marché, c'est le Soudan. Il y a plusieurs facteurs. Le Soudan, c'est la première réserve en uranium en Afrique. C'est le troisième producteur d'or. Les Américains, pour faire face à cette dollarisation, il leur faut de l'or. Donc, ils essayent d'avoir le côté Darfour, de l'occuper pour récupérer les mines d'or, pour contrer la dédollarisation. Au niveau de l'uranium, la Russie est en train de mettre l'uranium de plus en plus dans les sanctions, donc ils vont se retrouver dans l'embarras de pouvoir faire fonctionner les 90 centrales nucléaires qu'ils ont aux États-Unis. Il y a aussi la domination donc de la mer Rouge qu'ils perdent petit à petit, puisque qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui comme allié? Il leur reste uniquement l'Égypte, et l'Égypte est en train de se rallier aussi à la Russie et puis à la Chine. Donc les États-Unis vont mettre le paquet. Quand je parle des États-Unis, il y a leurs alliés, donc c'est l'OTAN, ils vont mettre le paquet pour que cette guerre continue au Soudan. Il y a une influence saoudienne puisque le Soudan a investi $1 trillion au Soudan. Ça avait été décidé lors d'un sommet arabe. Et le dernier sommet arabe, les Saoudiens mettent sur la table jusqu'en 2030 plus, c'est-à-dire qu'il y a le 1 trillion, et là ils mettent $2 trillions en plus pour essayer de stabiliser le côté mer Rouge. Ça va de la Somalie jusqu'au Soudan et même en Égypte, pour calmer tout ça, parce qu'ils sont touchés directement. Ce qui se passe, c'est contre l'Arabie Saoudite aussi. Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder de près. Et il y a aussi la présence russe, bien évidemment. Et à chaque fois que j'interviens là-dessus, je dis, si vous voulez ramener les Américains, eh ben, appelez les Russes. Il y a les Américains qui interviennent pour les contrer. Ça, c'est dans la géopolitique, et c'est la règle est comme ça. Et ça ne changera pas jusqu'à la chute de l'un ou de l'autre. L'autre, ça va être certainement les Américains. Je vais dire une chose, c'est pas pour contrer mon Piawara. L'Afrique, c'est l'Afrique qui est en train de dessiner ce nouveau monde. Les premiers peuples qui ont donné la puissance à la Russie à partir du 24 février de l'année dernière, ce sont les peuples africains qui sont sortis pour soutenir la Russie dans son combat contre l'Occident en Ukraine. C'est l'Afrique qui est en train de dessiner tout ce nouveau monde. Donc forcément, l'Afrique a sa place. On ne peut pas dessiner ce nouveau monde sans l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a cette guerre au Soudan. Le Soudan est très important comme pays. C'est un pays où il y a un mélange de toute l'Afrique. Il y a le côté nord, c'est les Arabes. Et puis le côté sud, c'est plus des tribus africaines subsahariennes. Il y a déjà ça. C'est un pays qui parle arabe. C'est un pays qui fait partie de la Ligue arabe. Donc il peut jouer entre l'Orient et l'Occident, et il peut jouer entre les pays arabes et les pays purs africains. Ça il faut pas le négliger. C'est un pays qui a toujours été déstabilisé parce qu'il joue un rôle très important c'est un pays déstabilisateur en fait. À partir du Soudan, on peut déstabiliser toute la zone. Dans l'histoire du Soudan, il y a aussi c'est un pays qui était sous la domination du roi Farouk avec l'Égypte et le Tigré. C'était un seul pays et ça a été déjà balkanisé une fois et deux fois même avec le Tigré qui a rejoint Mais l'Éthiopie, il y a plus de 200 langues, il y a plus, je ne sais pas combien d'ethnies qu'il y a au Soudan. Donc c'est un pays, à partir de ce pays, on peut déstabiliser une bonne partie de l'Afrique. Les pays arabes interviennent, les pays nord-africains interviennent aussi pour calmer le jeu. L'Égypte, pour une fois, je dis bien pour une fois, a essayé de calmer le jeu, parce que bien souvent l'Égypte a fait tout le contraire. C'est l'Égypte qui a déstabilisé le Soudan. Il ne peut pas y avoir de force. Et l'armée égyptienne, qui n'était autre que la même armée soudanaise, puisque c'était un seul pays, a pris le dessus depuis Gamal Abdel Nasser, ou Jamal Abdel Nasser, comme on l'appelle comme on veut. Et ben c'est à partir de l'Égypte qui avait le commandement. Les frères, la confrérie des frères musulmans, des frères terroristes, c'est l'Égypte qui les a installés au Soudan, par exemple. C'est à partir du Soudan qu'on a créé le premier État islamique avec Omar el-Bashir. Et ça a rongé l'Égypte. L'Égypte faisait pression sur l'Arabie saoudite à partir du Soudan. Tout ça, il faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il y a réconciliation entre le Soudan et l'Arabie saoudite, puisque l'Arabie saoudite va jusqu'à des investissements et essayer de calmer le jeu. Et il y a aussi un autre dossier, et puis j'avais envoyé à Afrique Média des renseignements là-dessus, c'est que ce conflit a éclaté suite à des problèmes de déchets nucléaires. L'État d'Israël, ou l'État sioniste israélien, a enterré des déchets nucléaires. Et là, vous avez les deux principaux rivaux, que c'est Al-Burhan ou Hamiti, qui étaient dans le coup. Les deux étaient dans le coup. Ils ont accepté que des déchets nucléaires soient enterrés. Il y a aussi une histoire de 3 tonnes d'or qui concerne les États-Unis. C'est sur ces deux conflits que les combats ont commencé, ils ont démarré. Il y a aussi une chose que je dois dire, ce n'est pas la première fois qu'Israël enterre des déchets nucléaires en Afrique, puisqu'en 2003, suite à un tsunami, on a découvert des déchets nucléaires enterrés sur les rivages de la Somalie. Actuellement, il y a dans le même dossier, nous avons aussi Haftar qui a accepté d'enterrer des déchets nucléaires en Libye. Donc c'est ce dossier-là, le principal dossier qui a fait éclater cette guerre. J'espère que j'apporte une nouvelle aux Africains, parce qu'on essaye de passer ça en silence. La presse arabo-orientale en a parlé, elle en parle encore. Et on est au niveau des Nations Unies, l'Union africaine a commencé à agir. Donc j'espère qu'on va arrêter de nous pourrir notre continent et de nous ramener les déchets nucléaires, alors que nous-mêmes, nous sommes interdits d'enrichir du nucléaire ou de posséder des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité pas chère. Donc c'est là où il faut contrer aussi ces deux poids et deux mesures du monde des États-Unis et leurs alliés. Merci Afrique Média. Merci également à vous Linda Larbaoui pour vos analyses concernant cette guerre au Soudan. Certainement les téléspectateurs se délectent. On revient vers vous Taïfour Smaïn. Selon vous, qu'est-ce qui explique le regain de tension qu'on observe actuellement du côté du Soudan? 3 semaines déjà, alors qu'on pensait qu'il y aurait des négociations. C'est vrai qu'il y a eu des trêves et certains pays étrangers ont profité pour faire rentrer leurs ressortissants. Et donc aussi, je me pose la question de savoir comment se fait-il, si ce conflit était prévisible, que personne n'ait jusqu'ici pu l'empêcher. Voilà que nous sommes déjà à 3 semaines de guerre du côté du Soudan, Taïfour Smaïn. Écoutez, les hostilités n'ont pas cessé en dépit des trêves qui ont été annoncées de part et d'autre, parce que on les a pas respectées dans le fond, même si dans la forme, on avait donc esquissé une petite forme, on va dire, d'entente entre les deux pour soi-disant permettre aux malades et aussi donc à l'acheminement de l'aide humanitaire et puis alimentaire. Je pense que cette guerre, elle était prévisible à plusieurs, on va dire, sur plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que les deux les deux protagonistes, à savoir Burhan et Hamidity, c'était des hommes qui étaient au départ, on le répétera jamais assez, c'était des acolytes, enfin des associés, dans le meilleur et dans le pire. Parce que pourquoi après il y a eu ce qu'on appelle une guerre de chefs par rapport à des dividendes, c'est-à-dire que Hamidity qui tire avantage de l'or du côté de Darfour, on nous dit qu'il est détenteur quand même de 100 millions de dollars en or, et cet or qu'il exporte aussi aux Émirats Arabes Unis, c'est une information apportée à la connaissance de nos téléspectateurs, et c'est une des raisons qui a justement poussé les deux hommes à se battre par rapport à ces dividendes. Donc Hamidity avait mis la main sur ce qu'on appelle la plupart des richesses que compte ce pays, c'est un pays immensément riche. Depuis 2012, on a découvert des puits de pétrole du côté du Darfour. On en produit quasiment, on va dire, 76 000 barils donc jour depuis. Et puis, ma foi, c'est toujours Hamidity qui en profite. Jusqu'à pas assez récent, il est vrai qu'il partageait plus ou moins les dividendes avec son acolyte. Après qu'ils aient perdu ce qu'on appelle le Soudan Sud, qui les a privés de deux tiers des revenus pétrolières et gazières aussi, donc c'est la FAB la pomme de discorde qui a commencé justement. C'est pas des considérations uniquement politiques, elles sont beaucoup plus d'ordre économique, à savoir que les deux hommes, c'est quelque part des mafieux, hein, c'est des mafieux qui portent des uniformes et qui essayent de gérer le pays avec un système de voyous. Disons-le clairement, il faut pas avoir peur des mots. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les considérations géostratégiques. Les considérations géostratégiques, c'est que on veut vraiment mettre la main sur ce pays, que ce soit du côté américain, russe et même chinois, et même turc aussi, qui essaie de mettre la main sur ce pays qui est immensément riche. Encore une fois, je risque de me répéter, c'est un pays quand même qui a un cheptel de 128 millions donc de bêtes, donc c'est une richesse immense. Et vous avez les rapports des Nations Unies qui font état d'un rapport très très positif à l'endroit du Soudan. Ils disent que le Soudan peut nourrir 1 milliard de personnes. Vous vous rendez compte qu'il y a 65% de la population soudanaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est quand même paradoxal quand on voit toutes ces richesses, et qu'il y a justement un système mafieux qui est à la tête d'un pays qui est réputé être indépendant, mais malheureusement ces dirigeants en ont fait quasiment un espace de désolation. Et maintenant toutes les grandes puissances, justement, rentrent en jeu. Il y a les Américains en premier lieu, vous avez les Russes aussi, parce qu'ils sont quelque part donc en concurrence par rapport au contrôle. On va dire, pour les Américains, pour eux, il s'agit de contrôler les richesses, c'est toujours le pétrole qui intéresse les Américains. Pourquoi? Parce que ils ont besoin d'un baril un peu à bas coût, on va dire. Et vous avez les Russes qui sont de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ils veulent aussi contrôler l'armée rouge, qui est, ma foi, un passage très, très stratégique, et pour les Chinois et pour les Russes. À savoir que ce couloir ou ce corridor de la mer Rouge permet pratiquement, on va dire, 20% du commerce international. C'est dans ce cadre-là que ces puissances, notamment la Chine, qui essaie justement aussi de se positionner un peu partout, même au Soudan, parce qu'ils ont déjà entamé des pourparlers avec, jusqu'avant, on va dire, avec le pouvoir des Bachir, pour instaurer ce qu'on appelle, pas des comptoirs, mais des bases, on va dire, à chinoises dans le coin. Et vous avez les Russes qui ont pour parler aussi avec Bahreïn pour établir justement ce qu'on appelle une base navale qui donne accès à la mer Rouge, et pour contrôler justement cette guerre qui est aujourd'hui une guerre qui s'est métastasée un peu partout dans le monde. J'entends par là la guerre de l'Ukraine, qui, ma foi, montré beaucoup plus, on va dire, crucial pour les protagonistes qui sont impliqués. Les Russes essayent par justement cet accès-là à contrôler et la mer Rouge et en même temps et la Méditerranée de l'Est, parce qu'il y a énormément aussi de pétrole dans ce coin-là. Et c'est dans cette optique que les Russes veulent justement contrer les Américains, on va dire, dans leur zone d'influence. Et il faut bien entendre que les Américains essayent par tous les moyens de contrôler le Moyen-Orient, d'ailleurs, depuis le fameux pacte de Quincy qui a été signé en Arabie Saoudite, enfin, j'entends par là le grand-père de l'actuel prince héritier qui avait signé ce qu'on appelle un pacte, on va dire, de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les Américains s'occuper de la protection de ce royaume, et le royaume en échange donner ce qu'on appelle le plein pouvoir sur le pétrole saoudien. Et maintenant que les Saoudiens ont changé de fusil d'épaule, on voit bien que maintenant les rapports de force sont en train de changer. Et quand ils changent, ils sont souvent du côté du plus fort. Alors la Russie en ce moment, avec la Chine et les pays du BRICS d'une manière générale, qui viennent donc se poser comme un concurrent même aux pays du G7, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en position de force, et les Saoudiens, ils ont très bien compris cette équation. Donc maintenant, ils ont compris, c'est la raison pour laquelle, justement, ils ont imposé quelque part aux deux chefs, pour venir en belligérant, ils ont imposé ce qu'on appelle donc, des pourparlers. Et malgré ces pourparlers, comme je l'ai évoqué la dernière fois, tant qu'il n'y a pas un rapport de force d'un des côtés, il ne va pas y avoir de cessez-le-feu. Cette guerre, malheureusement, risque de durer dans le temps tant qu'il n'y a pas un rapport de force qui soit à l'avantage de telle ou telle partie, que ce soit du côté de Hamidi ou de Bahreïn. Bahreïn, par contre, là où ça devient un périlleux pour lui, c'est qu'il est en train de perdre un peu de son influence. Il est en train de perdre, si vous voulez, de ses alliances par rapport à son rival, Hamidi en l'occurrence, qui a loué discrètement ce qu'on appelle des liens avec Israël, et ma foi, qui dit Israël dit États-Unis, parce que pour plaire aux Américains, dans certains pays arabes, on est capable de vendre son âme au diable. Et c'est ça qui fait que, malgré la signature, ils ont été co-signataires les deux, que ce soit Hamidi ou Bahreïn avaient signé ce qu'on appelle la normalisation avec Israël, sauf que maintenant, il y a de la surenchère. Donc la surenchère des deux hommes, c'est qui offre le mieux. Alors Hamidi, je pense qu'il est mieux placé que Bahreïn pour justement se placer comme, on va dire, ami d'Israël, ami des Américains. Il a même accusé le camp adverse d'être islamiste. Il est vrai que il y a une grande partie de l'armée soudanaise qui est contrôlée par Bahreïn, elle est, on va dire, dirigée, plutôt traversée par un courant d'obéissance islamiste qui essaie aussi de revenir, on va dire, au canon de la politique soudanaise qui a été depuis d'ailleurs nommée et qui a essayé en 1983 d'imposer ce qu'on appelle la charia, ce qui a fait que le pays a été dès le départ engagé dans, on va dire, dans une voie sans issue, c'est-à-dire, je peux parler de guerre civile qui a eu entre le nord et le sud, et aujourd'hui on est là, on est toujours dans cette logique, c'est une logique de gestion par la force, par le mensonge et surtout par les intérêts claniques. C'est-à-dire, il n'y a pas un dirigeant soudanais depuis 1956 qui a œuvré pour l'intérêt de ce pays. Il faut le reconnaître. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance de ce pays ont tous œuvré et surtout agi par la force pour gérer un pays qui est immensément riche. On l'a coupé d'ailleurs depuis 2011. Et aujourd'hui, on veut encore découper ce qui a déjà été découpé, c'est-à-dire diviser ce qui est déjà divisible. Donc, en ma foi, c'est ça qui fait que nous, en tant que stratégistes et observateurs de la scène politique, on a du mal donc à distinguer, on va dire, les intérêts des uns et des autres, parce que c'est tellement compliqué. C'est vraiment un nœud gordien qu'on n'arrive pas justement à dénouer sur le plan, on va dire, stratégique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu de difficultés à situer les intérêts des uns et des autres, bien que les intérêts, que ce soit des Américains, des riches ou des Chinois, sont très très bien clairs, c'est-à-dire ils sont bien établis, mais maintenant, à qui profitera justement le rapport de force? Et quand ça va peser d'un côté ou d'un autre, c'est à ce moment-là que les Américains vont peut-être se manifester encore davantage par rapport à telle ou telle personne, ou les Russes, ou les Chinois aussi. Les Chinois sont beaucoup plus discrets, il est vrai, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus la route de la soie, dont on avait évoqué, on ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, la stabilité des pays est très importante pour la Chine. La Chine ne veut pas s'immiscer dans ce qu'on appelle les affaires intérieures. Et d'ailleurs, sur le plan politique, la Chine n'impose rien. Il n'y a pas de feuille de route, comme c'est le cas par exemple pour les Russes ou pour les Américains. Les Américains sont beaucoup plus engagés justement sur ce qu'on appelle les politiques domestiques des pays. Ils s'immiscent beaucoup plus, parce que si on devait comparer entre les Américains, les Russes, il est vrai que ils s'immiscent, mais d'une manière beaucoup plus subtile comparé aux Américains. Ils n'imposent pas de diktat, ils ne sont pas dans le diktat. Par contre, les Américains sont dans le diktat, et c'est justement ces Américains qui créent justement des conflits de faible intensité, comme ce qui est le cas aujourd'hui, pour justement contrôler la situation, quitte à semer le désordre. On l'a vu en Syrie, d'ailleurs. On l'a vu en Syrie, pas plus loin qu'hier, on a appris que les Américains qui sont en train de préparer, contrairement à l'armée libre qui était en 2011 créée dans le sillage des révolutions arabes, hier on avait parlé d'une création d'une armée libre islamiste. Alors vous vous rendez compte, c'est cette armée libre qui va être normalement créée du côté de Raqqa, tout ça pour contrebalancer ce qu'on appelle la politique russe et chinoise, parce que les Saoudiens donc se sont rangés beaucoup plus du côté, pas du plus fort, du côté, pragmatique. Ils ont été très, très pragmatiques dans ce sens. Ils ont compris que le monde est en train de changer et qu'il fallait donc choisir les bonnes alliances et ce qui est en train de se passer. Alors, c'est dans ce cadre-là que les Américains, interviennent pour ne serait-ce que retarder ou quasiment saborder ce qu'on appelle les politiques du camp adverse, qu'il soit chinois ou russe. Et c'est à ce moment-là que les Américains essayent par tous les moyens de contrôler les zones donc à faible ou à grande turbulence, qui a été le cas en Irak, en Syrie. Aujourd'hui, au Soudan, on peut pas dire que les Américains sont derrière à 100%, mais ils sont quand même protagonistes et partie prenante dans ce conflit, parce que quand tout un pays, donc, il essaie de tirer leur épingle du jeu pour contrôler encore plus davantage la région, ce qu'on appelle MENA, la région de Middle East et Nord-Afrique aussi. Pourquoi? Parce que c'est une région qui, depuis d'ailleurs, Chateaubriand avait dit qu'il n'allait pas, que les Européens n'allaient pas au Moyen-Orient pour sauver le Saint-Sépulcre, mais c'était beaucoup plus parce que c'est une région très très sensible, et c'est une région qui est, ma foi, donc, si vous voulez, le point névralgique et surtout le foyer soit de la paix ou de la tension. Et De Gaulle même avait dit que le foyer de la Troisième Guerre mondiale éclatera probablement dans le Moyen-Orient, et ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Merci à vous, Taifour Smaïn. On va rapidement prendre quelques appels. Il souhaite aussi s'exprimer sur ce sujet. Bonsoir à vous, Sani du Niger, qui nous appelle actuellement. Allô, bonsoir. Tout récemment, la France a positionné ses forces sur la frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Pourquoi il y aurait une tentative de déstabilisation en provenance de la RCA? Mais ce que je voudrais ici faire noter, c'est que la France a une industrie de guerre. Ce qui se passe au Soudan n'est ni plus ni moins qu'une tentative de morceler le Soudan. Et une fois que c'est fait, la France n'a qu'un pas n'a qu'à sauter seulement au Soudan, pour tout simplement, avec l'aide de l'ONU, aller s'installer tranquillement et s'interposer entre les deux rivaux. C'est ça. Et là, on peut supposer aussi que la France a intérêt à ce que le conflit perdure. On va rapidement prendre un autre téléspectateur avant de retrouver Issa Diawara. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, madame. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à vous, bonsoir. Oui, bonsoir madame, nous vous disons bonsoir après midi. Donc, je souhaite intervenir par rapport au Soudan. Et franchement, je pense que les Soudanais nous le soient. Parce que des individus ne peuvent pas empêcher à toute une population de plus de 20 millions de personnes de vivre. Je pense que le peuple soudanais sont censés aller les bloquer chez eux. Ceux qui sont le co-gérant, les deux généraux, ils ne sont généraux ni pour personne. C'est des généraux de la mort, quoi, en fait. Ils ne pensent à rien. C'est pas la guerre des Soudanais, c'est la guerre des individus qui veulent s'enrichir. Ça ne concerne nulle part ni le peuple africain, ni le peuple soudanais. Ils ne se combattent pas parce qu'ils veulent instaurer la dignité du peuple soudanais. Ils se combattent parce qu'ils sont rivales par la richesse qu'ils veulent chacun accueillir. Hein, chacun veut servir, l'autre veut servir les États-Unis, l'autre veut servir les Russes, parce que c'est ce qui est en train de se passer au Soudan. C'est pas la guerre de conquête, c'est pas la guerre de la libération du Soudan, c'est pas la guerre d'instaurer la dignité du peuple noir, c'est la guerre des deux individus qu'on est censé les arrêter. Les deux individus devaient être arrêtés par le peuple africain. On devait arrêter ces gars-là, les traduire devant la justice. Parce que le Soudan a tellement souffert, ce pays a souffert des guerres depuis moi j'étais plus petit, je n'entends que le Soudan. J'ai bientôt 40 ans, je n'entends que parler du Soudan. Comment ces gars-là ne comprennent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui que la guerre n'est pas la solution pour leur avenir? Comment les Soudanais ne peuvent pas s'asseoir? Un peu plus de 80% de musulmans, ils ne peuvent pas s'asseoir et de trouver des moyens de discuter ensemble. C'est vraiment décevant pour le peuple soudanais, au fait. Ces deux généraux ne servent à personne. Ils ne combattent pour personne. Ils ne combattent que pour leurs intérêts égaux personnels, c'est-à-dire leur bien. C'est tout simplement ça. Mais nous pensons, nous prions Dieu le Tout-Puissant d'amener la paix dans ces pays, dans tout le continent africain et dans le monde entier en général. Merci encore à Afrique Média. Pensez un peu ce qui se passe aussi aux côtés du Sénégal, je vous en prie. L'histoire de Sonko en train de nous faire réfléchir. Il faudrait que vous mettiez ça aussi sur la table. Voilà, Sonko qui est condamné, et je pense que l'Afrique Média devait lui plutôt nous mettre un peu au parfum de tout ça. Merci encore, madame, que Dieu veille sur vous et bon après-midi. Merci, au revoir. Merci également à vous, agréable fin de soirée. Alors, Issa Diawara, on revient vers vous, certainement pour votre mot de fin. Concernant la guerre au Soudan, on va dire que la situation, elle est intenable. Les cessez-le-feu qui ne sont même plus respectés. Le pays a atteint une situation, on va dire le point de rupture. Le point de rupture a atteint du côté du Soudan où le conflit a déjà dépassé le cap des 3 semaines. Issa Diawara. Madame, je salue effectivement tous les appelants, mais je dois vous dire qu'aucun cessez-le-feu ne tiendra. Si les gens s'attendent à ça du côté du Soudan, ça ne va pas tenir. L'issue de la guerre au Soudan, il n'y a que deux issues possibles. C'est-à-dire l'un des deux belligérants va la porter sur le terrain ou des jeunes officiers, une solution interne. Au niveau du Soudan, c'est-à-dire quoi? Des jeunes officiers, des capitaines du côté de Melchi et du côté d'Al-Bouram peuvent bien sûr mener des discussions secrètes et décider d'arrêter les deux généraux. Je ne vois que ces deux ici, sinon il ne faut compter sur rien d'autre. Et l'Union africaine ne pourrait jamais intervenir parce qu'elle ne s'appartient pas. Elle est occidentale, l'Union africaine. Aucune organisation sous-régionale, même chez nous ici, la CEDEAO, qui parlait de sa force en attente. Voici des Africains qui sont en train de s'entretuer. Allez-y. Si vous êtes vraiment réellement sûr de ce de la politique qu'on est en train de mettre en place, allez-y, en ballon, Sissoko, il faut courir. Les Soudanais sont en train de mourir à cause des deux généraux barbares. Allez-y, les défendre. Madame, l'analyse de ce qui se passe du côté du Soudan, d'ailleurs, c'est ça que j'ai. Linda, peut-être, n'a pas bien compris. Et quand elle dit c'est l'Afrique qui est en train de dessiner ce qui se passe, et c'est une erreur. Et vous savez, ça me fait penser, quand j'étais encore à l'école fondamentale, souvent ceux qui arrivent premier, les gens sont en rang en train d'applaudir. Et une liste au sommet, qui a évincé le premier de la classe cette fois-ci, prochainement qui sera premier, qui était premier de la classe, qui est relégué jusqu'à la 5e place. Mais concrètement, ceux qui applaudissent, c'est quoi leur rôle dans ça? L'Afrique aujourd'hui, nous, notre défi, c'est de voir les Russes arriver à la tête du monde, les Chinois arriver à la tête du monde, les Nord-Coréens à la tête du monde et nous autres. C'est quoi notre rôle? Nous ne sommes pas des spectateurs. Le monde, ce n'est pas un spectacle. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs. Et si nous sommes des acteurs, nous devons arriver en force. Mais comment vous voulez que l'Afrique parte du monde quand vous avez des gens comme les Bazou, comme les Watzner? Ça ne passe pas. Maintenant, l'histoire du Soudan. Vous savez, l'indépendance du Soudan du Sud. Ce qui manque aussi, un peu peut-être à nos faiblards dirigeants africains, certains, d'entre eux, c'est quoi? C'est qu'ils n'anticipent pas. Ils n'ont pas une vision à long terme pour nos États. C'est quoi leur planning dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Comme les Russes le font, comme les Américains le font, comme d'autres le font. Et quand on accordait déjà l'indépendance au Soudan du Sud, d'ailleurs, le Soudan était consentant pour ce référendum, ça a été la plus grosse erreur. Parce qu'en accordant l'indépendance au Soudan du Sud, on allait priver le Soudan du deux tiers, en tout cas de ses revenus du pétrole, et cela allait engendrer des crises à l'interne. Pourquoi il y a eu ce soulèvement? On a parlé d'une histoire du prix de paix. Tout est parti de là. C'est vrai qu'ils ont essayé d'exploiter après de l'or pour essayer de combler les vides, mais le mal était déjà parti. Donc, les Occidentaux qui ont travaillé à la partition du Soudan savaient que l'autre Soudan allait sombrer dans le chaos. Ça, c'est planifié depuis les années 2000, bien avant d'ailleurs, depuis qu'ils ont engagé un processus de déstabilisation pour conduire le Soudan du Sud à une indépendance. Et ce Soudan du Sud même n'a jamais connu de paix. Parce qu'il y a un affrontement sans cesse meurtrier entre Salva Kiir et son numéro 2, Riek Machar. La même chose se passe aujourd'hui du côté du Soudan Nord entre le numéro 1, Al Burhan, et son numéro 2, et MLT. C'est quoi cette histoire? Autre chose qu'il faudrait voir dans cette histoire, on a parlé de beaucoup de causes. L'Inde a parlé d'une histoire de déchets nucléaires, et c'est vrai, il y a aussi le plan d'Israël de vouloir morceler tous les grands pays, je ne sais pas, africains, tous les grands pays arabo-musulmans, tous les grands pays qui ne lui sont pas favorables. Et il y a ça, et j'ai vu aussi qu'il y a question de la base navale de la Russie. Vous savez, quand on parle de guerre, c'est toujours la somme de plusieurs causes. Même histoire d'or, là, ce n'est jamais une seule cause qui peut déclencher une guerre. Quand on parle d'une guerre, dites-vous qu'il y a plusieurs éléments réunis pour arriver au déclenchement d'une guerre. Et maintenant, ce qui, pour moi, l'objectif principal, c'est quoi? C'est tout simplement le contrôle politique du Soudan. Qui contrôle le Soudan a totalement accès sur l'Afrique centrale et a totalement accès même au golfe Persique. Du côté de l'Arabie Saoudite, le contrôle du Soudan vous donne plusieurs portes. Et à la fois du côté de la Libye, où vous pouvez être une bonne base de repli, du côté de l'Afrique centrale, où vous aurez la possibilité de mettre la main sur à la fois le Tchad et le Cameroun, les deux pays les plus visés, et surtout aussi et la Centrafrique, et la République centrafricaine, ces trois pays sont dans leur viseur. Et parce que chaque fois, nous, on a attendu Soudan du Sud indépendant. Certains même africains ont un peu dit, ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, la guerre au Soudan, les gens ne voient que les Soudanais. Ce n'est pas le Soudan seulement qui est visé. Ils veulent redistribuer les terres africaines. Ça, c'est ce que tous les dirigeants africains doivent comprendre. Malheureusement, on ne sait pas si on doit pleurer. Qu'est-ce que je dois faire face à ce cri d'impuissance? L'Union africaine est remplie de badauds qui ne comprennent rien. Des gens qui ne comprennent rien. Qui ne doivent même pas être des chefs de village, à plus forte raison être des chefs d'État. Ils n'ont aucune capacité d'analyse pour anticiper. La réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite est passée par là. Parce que les Américains perdent pied, Taïfour là, il a bien analysé, perdent pied dans ce côté. Qu'est-ce que les Américains contrôlent concrètement aujourd'hui, au niveau du Moyen-Orient? Ça ne va pas. Et si on ne contrôle plus rien, qu'est-ce qu'on fait? On crée des situations de guerre pour essayer de reprendre la mer. On monte des armées de toutes pièces. On va faire exploser le Soudan. On va faire exploser tous les pays qu'on ne contrôle pas. Sinon, dites-vous, pourquoi les Occidentaux ne font pas exploser Ouattara? Pourquoi les Occidentaux ne font pas exploser les Kurdistan irakiens? Pourquoi? Parce qu'il s'agit de leurs alliés. Mais tous les pays qui échappent à leur contrôle sont des pays où il faut abandonner, on le dit, Nimati Yalami, Atenyamadjo. C'est-à-dire qu'il faut troubler l'eau pour voir clair après. Voir qu'est-ce qui va se poser en bas, qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui ne va pas disparaître. Là, il faut que l'eau soit d'abord troublée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de perdre pied dans cette partie d'Afrique. Ce n'est pas que le Soudan. Aujourd'hui, ils sont en train de lancer un message fort aux Saoudiens. Vous êtes en train de vous éloigner de nous. Personne ne s'attendait à ce que le Soudan puisse se retrouver en lambeaux comme ça. C'est un message. Du Soudan à l'Arabie Saoudite, vous n'avez qu'à traverser la mer Rouge. Et tout autour de l'Arabie Saoudite, vous avez des forces américaines. Et même à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Donc vous êtes à portée de main, Mohamed Ben Salam. C'est-à-dire quoi? Un des généraux, et ils savent que tous les officiers saoudiens sont formés en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Qui forment vos officiers? On les contacte de tous vos officiers. Comment on réussit le coup d'État en Afrique? Tout simplement parce que les officiers africains, dans la plupart des cas, ont été formés à Saint-Cyr du côté de la France. Et quand vous passez, vous êtes formé à Saint-Cyr, la France prend votre adresse. Quand elle a besoin de faire un coup d'État, Il suffit de contacter l'homme qui est déjà à l'intérieur. Au moment que je vous parle, un général de l'armée malienne, d'après mes informations, a sans doute été arrêté aujourd'hui pour de tels trucs. Donc comprenez un peu des choses qui se passent, qui a le contact des officiers saoudiens et soudanais, qui a le contact des officiers saoudiens, qui a le contact des officiers tchadiens, comment on a assassiné des bipères, qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de faire poser des hélicoptères au niveau de la Centrafrique? Qui est en train de créer une surenchère dans une histoire de pétrole entre le Cameroun et le Tchad? Pourquoi, mon Dieu, les dirigeants africains ne peuvent pas comprendre que quand il y a un conflit, quand on attaquait la Libye, dans leur viseur, c'était occuper le Sahel. Que les armées africaines, que la France avait fait des armées du côté du Mali, du Niger, du Burkina, ce n'étaient pas des armées qui étaient préparées à affronter les terroristes équipés des armes lourdes du guide Muammar Kadhafi. Pourquoi les gens ne vont pas participer à cela? Tout le monde passait, ils sont en train d'assassiner Kadhafi. Non! C'est tous les Sahel qui sont en train d'assassiner à travers Kadhafi. Et les gens n'ont rien compris. Tout le monde est resté comme ça, croisé les mains. C'est une chose qui se passe en Libye. Un seul pays africain attaqué, c'est toute l'Afrique qui est attaquée. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi les Occidentaux se plaignent de la guerre en Ukraine? Pourquoi ils disent qu'il est inadmissible d'accepter une guerre en Europe? Personne ne veut d'une guerre à sa porte. Mais c'est comme on dit à Bamara, parce que c'est-à-dire quoi? C'est comme deux lézards qui se battent à côté de votre case. Si un lézard est à sa queue, en tout cas en flamme, dites-vous que toutes les cases avoisinantes vont prendre feu. C'est ce qui se passe. Pourquoi entraîner, pourquoi faire du monde arabo, du monde de rien, pourquoi faire de l'Afrique des champs de bataille? Mais aucun pays africain n'est à l'abri. Il n'y a que des valeurs comme le Nana Akufo-Addo, des présents limités, Bado, Ventri, qui ne comprennent rien, qui sont là, qui ont tout le plaisir de voyager dans un avion à la charge du contribuable pour incesser la vie. Ils n'ont rien compris. Malheureusement, leur luxe, c'est notre mort. Leur luxe, c'est notre misère. Leur confort du pouvoir, c'est le malheur des peuples d'Afrique et cela renforce les ennemis de l'Afrique. Je vous remercie. À vous, Issa Djawara. Merci également à vous, Taïfour Smaïn. Merci à Linda Larbaoui pour vos analyses. On poursuivra certainement dans nos prochaines éditions. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres et surtout de rester fidèles à la télévision panafricaine. Quant à nous, on vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.